Ce jour-là, toute l'Amérique apprit en même temps l'affaire du capitaine Nicholl et du président Barbicane, ainsi que son singulier dénouement et le rôle joué dans cette rencontre par le chevaleresque européen. Cette conquête du continent lunaire, à laquelle la France et les États-Unis allaient marcher d'accord, tout se réunit pour accroître encore la popularité de Michel Ardan. À dater de ce jour, il n'eut plus un moment de repos. Ce succès eut grisé un ordre dès le premier jour, mais lui sut se contenir dans une demi-ébriété spirituelle et charmante. Au milieu de son triomphe, Michel Ardan ne put échapper à aucune des corvées inhérentes à l'état d'homme célèbre. Ses portraits coururent le monde entier et occupèrent la place d'honneur dans les albums. Cette popularité ne lui déplaisait pas, au contraire. Dès qu'il put se soustraire aux joies trop répétées du triomphe, il alla, suivi de ses amis, faire une visite à la Columbiade. Il admira fort et descendit jusqu'au fond de l'âme de ce gigantesque mortier qui devait bientôt le lancer vers l'astre des nuits. « Au moins, dit-il, ce canon-là ne fera de mal à personne, ce qui est déjà assez étonnant de la part d'un canon. » Une expérience préparatoire, tentée le 18 octobre, avait donné les meilleurs résultats. Après cette expérience, toute hésitation, toute crainte disparurent. Il n'y avait donc plus qu'à partir. Deux jours plus tard, Michel Ardan reçut un message du président de l'Union, honneur auquel il se montra particulièrement sensible. À l'exemple de son chevaleresque compatriote, le marquis de Lafayette, le gouvernement lui décernait le titre de citoyen des États-Unis d'Amérique.